Attention, attention, il reste 16 minutes avant l'apocalypse. Nous vous prions de rester calme et de ne pas paniquer. Oh shit! L'apocalypse s'en vient, Ali! Est-ce que t'es stressé? Ben non, c'est la première fois, fait que je suis comme pas stressé, je suis pas habitué. On n'est pas habitué à l'apocalypse. En fait, je veux dire, c'est tellement pas stressant l'apocalypse. Moi, c'est la première fois que j'en vis un. Moi, c'est mon troisième. C'est ton troisième, ouais. Je veux dire, je suis passé à travers deux apocalypses. Je suis passé à travers. Comme on dit, jamais deux sans trois. Je suis content que ce soit ça parce que j'ai commencé par dire comme on dit, puis après ça, j'ai comme fait shit, y a-tu une expression qui dit ça? Mais ça a bien tombé. Ouais, hein? Bon, alors, on dit bonjour? On n'est pas supposé parler. On parle à nous au micro, là. Je comprends rien. Moi. On n'a jamais vraiment déterminé, moi et David, à qui on parlait, fait qu'on switchait. Ok, fait que c'est comme si le micro il était comme quelqu'un d'autre. Tu sais, je peux parler à toi, je peux parler au micro, je peux parler. On peut dire une petite affaire, par exemple. Je disais, oui, David n'est pas là. As-tu le dit au micro, ça? Moi, je l'ai dit au micro. Aux auditeurs. Non, mais c'est parce que toi, tu le savais. Ouais, David, t'es pas là. Mais David, là, si tu nous écoutes, là, t'es pas là. Ah! Ben, s'il nous écoute, il est là. Mais il est pas là. Ah, c'est de la métaphysique. T'es en train d'enregistrer au moins, j'espère que je suis pas en train de parler pour rien. Est-ce que je t'enregistre? Ouais, je l'avais parti tantôt. Ok, c'est bien. Non, on pèse sur record avant de partir le micro-ondes de la mort, quand même. Hein? Là, c'est-tu un micro-ondes de la mort qu'on a, là? On a un... Ça a pas l'air d'un micro-ondes, je trouve. On a un 6 mm micro-ondes de la mort qui nous indique qu'il reste 13 minutes 20 secondes. Fait qu'on embraye tout sur des sujets. Mais c'est quoi, c'est comme un iPod de la mort? Non, c'est un... C'est un micro-ondes touch? Non, mais c'est parce qu'un... C'est un iPod Touch, puis un iPod Touch, c'est comme un iPhone, puis un iPhone, c'est un cellulaire, puis un cellulaire, ça envoie des méchantes ondes de micro-ondes qui te chauffent le cerveau. Ils disent, hein, tout le monde panique, c'est les cellulaires. Oh, les cellulaires, c'est la panique, c'est les micro-ondes. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse, ben oui, fait que c'est le iPod de... La mort qui tue. Il y a du Wi-Fi dedans, il va nous envoyer du Wi-Fi dans le cerveau. C'est comme Thierry qui prenait son cellulaire, qui nous pointait avec, puis qui disait « Je vais te tuer, je vais te donner le cancer! » Thierry faisait ça? Ouais. Thierry... Ouais, Thierry. Ah, oh, c'était Thierry-là. Ok. Ouais, lui. Bon. Thierry, il nous écoute pas, lui, par exemple, je suis sûr. Bon, Mais c'est parce que t'as pas été... Non, on a pas été ton iPod, là, puis ça m'a fait penser à une vidéo que mon frère m'a montré, genre, avec le MacBook Air, je pense. Tu as vu la vidéo du gars qui chante qu'il a acheté un MacBook Air pis qui fit d'une enveloppe? Ben, c'était l'annonce de l'iPod. Apple a fait une annonce pour le MacBook pis c'était genre, il ouvrait une enveloppe à papier là, pis là, il y avait un MacBook dedans. Ben, c'est pour ça que le gars disait ça. T'as pas vu ça? Non. Tu le chercheras sur YouTube, je sais pas qu'est-ce qu'il faut taper genre... Tu me dis pas? Ben, c'est parce que le gars il chante pis il dit comme... Ben, je sais pas, non. Bon. Parce que je serais pas capable de rechanter la tune. Cherche genre... MacBook qui rentre dans une enveloppe ou je sais pas là. Un MacBook Air. Quelque chose de même. Mais là on va tomber sur la pub d'Apple. Ouais mais... Il faut que tu précises qu'il rentre dans une enveloppe. Est-ce que c'est en français? Oui. Bon alors j'imagine que si on cherche chanson MacBook Air, on devrait être capable de le trouver. Ouais. On mettra peut-être un lien sur le blog si on y pense. Ouais, ça serait bien. Mais on va oublier. De toute façon, on va être mort parce que ça va être l'apocalypse, fait que moi je stresse pas trop avec ça. On va être apocalypté. Apocalypse now. Oh! Il reste 11 minutes 5 secondes et on a toujours pas commencé à parler. De quoi on parle? Qu'est-ce que tu me... Tantôt là au téléphone, tu m'as parlé d'une affaire de chaudron. Hein? Oui. Donne-moi des détails parce que tu m'as raconté un peu, mais là tantôt j'ai comme vu que c'était comme pire que je pensais. Là. Oui, non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que... Je parle pas. Hein. C'est que quand je suis... C'était quand, ça? J'étais au téléphone. Tantôt, là. C'est-tu quand t'as appelé? Ouais, tu m'as dit... tu m'as dit que ça avait déjà été... que c'était déjà fait, là. Ben, je sais pas. Ah, oui, je sais. Je suis monté en haut pour aller recharger mon iPod, justement. Ah! Oh! Et c'est concept. Et là, je monte en haut, puis là, je regarde dans la cuisine. Laurence était là, ma sœur. Puis là, je regarde, je fais, tu sais, c'était comme pas normal, là. Je fais, là, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ben, J'étais en train de faire fondre une chandelle dans un chaudron. Ah bon? C'est... Pourquoi? Elle dit, ben... Pour qu'elle soit fondue. Je dis, ah! Ben oui, hein? Je veux dire... j'ai posé la question, tu sais, ça va à ça. Puis là, ça a rempli tout le chaudron. Elle a fait fondre une maudite de grosse mais chandelle. Mais c'est ça, parce que tu m'as dit ça, puis là, je pensais que c'était comme, tu sais, une chandelle qu'on met sur la table pour éclairer. Mais tantôt, j'ai vu que c'était comme un chaudron qui était rempli, tu sais, de chandelle. Ben, je pense qu'elle en a fait fondre trois. Mais c'était, il y a deux petites, puis une que c'était genre une grosse, tu sais, une grosse bougie. Qu'on allume, là, ça fait un trou dans le milieu. Là, ouais. Le contour est encore là, fait qu'on voit plus rien, puis elle se noie dans ses, fait qu'elle s'éteint. Ouais, ces chandelles-là. Bon, chandelle ben. De cul. Puis il y avait comme du doré dessus, fait qu'elle prenait une cuillère, puis elle allait enlever l'or. Peut-être que dans le fond, elle voulait pas le. Elle voulait l'or. Elle voulait juste l'or. Non, elle grattait avec un couteau, puis elle tirait au dedans. Je pense que c'était de l'or en plastique. C'est comme de la glu qu'ils mettaient par-dessus la chandelle. Okay, puis... Y a-t-il une raison pourquoi elle a fait ça? Oui, ben c'est ça que j'ai compris après. C'est comme un projet de cire. Non, c'était une affaire, Laurence c'est en or, et puis, ben. Elle fait une peinture, je sais pas si j'ai le droit d'en parler ou si c'est confidentiel dans ses projets. C'est qu'elle fait. Elle fait une grosse toile, puis là, elle garoche de la cire dessus. Oh. Avec un pinceau, puis elle a raconté à ma mère tantôt à quel point elle avait de la misère à faire des belles taches. Ça faisait comme des taches vraiment laides, plein de petites gouttes, puis elle voulait comme une. De cire. Puis après ça, elle met de la peinture par-dessus. Puis la peinture, elle va pas où il y a de la cire. Elle glisse dessus. Ouais, après ouais. Ça, elle gratte la cire. Oh, c'est cool. Fait que ça fait comme des taches, mais en négatif. Ah, nice. Fait que c'est hot. Ouais, c'est cool. J'ai vu ça, j'ai vu sur sa toile, j'ai fait, oh, c'est du. Là, je risque de me tromper, là. Ça ressemblait à du Riopel. Puis là. Du fromage, ça? Non, c'est un peintre. C'est un peintre qui avait des toiles, genre, de. 8 mètres par 5 mètres, pis là, il marchait dessus, pis là, il pognait de la peinture, pis il en garochait. Écoute, j'ai vu un film l'autre fois, là, c'était dans cette période-là, aux États-Unis, là. Toutes des peintres du. Vas-y, gâche le singe. Toutes des peintres de cette période-là, puis il y avait Andy Warhol, puis on le voyait souvent. Puis à un moment donné, il y avait un bout. C'est celui qui a eu l'exposition il y a pas longtemps, là. Ouais. Andy Warhol. Et puis, tu sais, il marchait, puis là, ben, il avait sa peinture, puis là, il a pissé dessus. Comme ça. Puis là, l'autre gars, il fait, ah, c'est pas pire, ouais. C'était toute une époque de fucking. Ça se vend comme cher. Ah, ouais. Moi aussi, je suis capable de... Mais c'était l'autre gars. C'était une peinture de l'autre gars, mais qui s'est fait pisser dessus par Andy Warhol. Ouais. Je veux dire, si j'ai un arbre chez nous, pis que la scie vient pisser dessus, est-ce qu'il va valoir plus cher? La scie, le chien? Ben oui, le chien. T'as parlé d'arbre pis de scie. Je pensais que tu parlais de... La scie. De scie, mais... Le chien. Ben, peut-être. Mais c'est parce qu'un arbre, tu vends pas ça, c'est pas une œuvre d'art. Parce que tu sais, quand c'est une œuvre. Écoute, c'était vraiment c'était une époque où, genre, Warhol, il rentrait dans un restaurant, puis il prenait des super repas de luxe avec tous ses amis, puis il payait pas, il faisait juste pogner un napkin, il barbouillait quelque chose dessus, puis il donnait ça à la serveuse. Puis la serveuse, elle revendait ça pour 10 000 piastres. C'était toute une époque de fucky, ça. Ok, c'est spécial. Donc, là, on est un peu mou sur ce sujet-là. Ouais, bref. Le sujet est rendu mou. Mou, c'est un code secret, c'est pour quand on est rendu plate. Ouais, ça paraît mieux de dire qu'on est mou, parce que c'est drôle. Le sujet est mou, il est rendu mou. Tu sais, les vaches font mou, puis les vaches c'est plate. Ah ouais? Ben, dans Rayman, les vaches, ben, les lapins crétins font du crazy carpet, puis... Parce que c'est des lapins crétins, ils peuvent pas faire du crazy carpet sur un crazy carpet. Ben non, il faut qu'ils fassent du crazy carpet sur une vache. Dans Rayman 2, hein? Dans le 3, qui va sortir bientôt. Oh. Et puis, ils utilisent le Wii Balance Board. Et c'est le premier jeu... C'est vrai, c'est sérieux, là. C'est le premier jeu de l'histoire des jeux vidéo qui a au-dessus de 30 ans. Le premier jeu à être contrôlé par nos fesses. J'en ai parlé, pis là je me rends compte que c'est poche parce que j'en ai parlé la dernière fois, pis David m'avait dit que c'était mou pis qu'il voulait plus m'entendre parler, fait qu'on va juste changer de sujet. Okay. Parce que David il est chez lui pis il fait comme mou! Ouais. Mou! Ouais, David est pas malandré. Je sais pas, moi je peux te parler, ah oui j'ai reçu un, cette semaine, là, j'ai reçu un email de l'association étudiante à l'école, l'association de Géo, là. Pis ces emails-là, j'ai lu juste parce que, comme, je sais pas qui c'est qui les écrit, mais c'est un espèce de freak, là, pis c'est vraiment drôle. Genre, au début de chaque email, là, qu'il nous envoie, il nous apprend comme une nouvelle insulte du capitaine Haddock, pis il nous donne la définition en bas, là. Une nouvelle insulte. Ouais, du capitaine Haddock. T'en souviens-tu de une pour nous en parler? Non. Ça aurait été bien si tu mais il nous donne la vraie définition. Fait que c'est cool. Ok, mettons, quand le capitaine Haddock, il crie « moule à gaufre », ben, c'est une planche, c'est un gaufrier pour faire des gaufres. Mais j'imagine peut-être que... Peut-être j'ai mal compris. Il en définit des plus intéressants à définir. Ok. Il a dit qu'il enrichissait notre vocabulaire d'insultes. Ah. Je vais essayer de... Tu m'en forwarderas. T'en mettras sur le blog, t'in. Ah, c'est une bonne... Ouais, ah. Mais... Quoi, y'a-tu des droits d'auteur là-dessus? Je sais pas, moi, y'a-tu des droits d'auteur sur les emails? Sur les insultes? Je sais pas. Ben, Ben, l'explication, tu peux l'expliquer après ça dans tes mots, en citant tes sources ou whatever. Ok, là, ben, c'est mou. De toute façon, Mais ce que je voulais te dire, en fait, là, c'est que dans l'email, là, il y avait une place où il parlait, je sais plus c'était quoi, là, genre un étudiant qui a une fonction, genre, mettons, responsable aux affaires étudiantes, quelque chose de même, là. Ah, il y a bien des étudiants qui ont des titres à rallonge comme ça. Puis là, le bout là, pour nous présenter qu'est-ce que je faisais, là, ça commençait genre par des soucis, besoin d'un avis, suffit d'un courriel pour que tout devienne limpide avec le responsable aux affaires étudiantes. Puis je trouvais ça très drôle. Puis moi aussi. Parce que, évidemment, je sais pas comme qui c'est qui nous écoute, mais ils ont sûrement notre âge, fait que sûrement qu'ils savent d'où ça vient. Il y a personne qui va comprendre que ça vient des intrépides. C'était tellement une émission remplie de suspense. Oui. Moi, j'aimais ça quand j'étais jeune. Rempli de budget. Savais-tu que Daniel Proulx jouait là-dedans? C'est qui, Daniel Proulx? Je pense que c'est son nom, là, la mère dans Crazy. Je sais même pas c'est qui. J'ai aucune... Dans Truffe. Ah, t'as pas vu Truffe, non? J'ai pas vu Truffe. Maud! Non, je pense que c'est... Écoute, j'étais un étudiant en cinéma. Si j'avais vu des films, ça marcherait pas. Elle faisait la mère de Julie dans Les Intrépides. Bon. Ah, je m'en rappelle un peu, elle avait des cheveux frisés, elle ressemblait à Geneviève dans Bébé Geneviève. En fait, elle ressemblait pas pantoute, là, c'est juste dans ma tête. Ouais. Donc, on va oublier ça. Bon, je l'avais dit que c'était plate les 16 minutes. Il on n'a jamais rien à dire. Il reste 2 minutes 42. Ouais. Ça fait 2-4-2. Donc, c'est un palindrome. Oh, c'est un... Bon, ben, on parle de que 2 aussi, c'est un palindrome. Hey, j'ai le Nouveau Testament ici, on lit-tu un extrait de la Bible? Mon Dieu. C'est comme le Nouveau Testament qu'on avait pogné quand on était allé. Tu sais qu'on avait pogné ça au Franco. Je souffle un peu dessus parce qu'il y a plein de mousse. Non, écoute, ce vieux testament-là, j'ai volé ça dans. Oups, je devais te le dire. Dans un hôtel? Dans un hôtel, il y a à peu près un million d'années. Pas un million de dollars. À un moment donné, je pense que j'étais avec David, on se promenait, je sais plus où. Je sais plus si c'était en allant un film. De... Hey non, j'en ai un bon. Mais okay, on avait eu un gratuit, un coin d'une rue, genre un festival, là. Puis en sortant du festival, il y avait un gars sur le coin de la rue qui donnait des Nouveaux Testaments au monde. Cool. Attends, j'en ai une pas pire, là. C'est pas un livre de jokes, c'est la Bible. Mais j'en ai une pas pire. C'est tiré de Luc 8, le numéro 46. Je sais pas c'est quoi ces numéros-là. Mais oui, Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu... qu'une force était sortie de moi. Écoute, c'est Star Wars! Quoi? Il parle de DS pis de Star Wars dans la Bible, c'est trop hot! Toucher. Wow. C'est cool. Oh, toucher DS tactile. Oui, touch is good. Les annonces de Nintendo. Oh, bon, okay. On va laisser ça. Alors, on se rend compte que le Nouveau Testament est une source de... De joke. The Joke de Jedi. Tu disais, achetez pas les livres de joke poche. Ça, c'était pas. C'était drôle quand on était jeune, non? Les livres de joke? Quand j'étais jeune, j'en avais un. Non, j'en avais un quand j'étais jeune. Puis, okay, c'est vrai qu'il était pas très drôle, en fait. Mais c'était comme par principe que j'en avais un. D'ailleurs, ça, je vais lire le Nouveau Testament à la place. Ouais. Ouais, ouais. Nouveau Testament et psaume. Là, j'ai hâte qu'il arrive l'apocalypse, parce qu'on a rien à dire. Il nous reste 50 secondes pour. On pourrait dire hackers? Qu'on a rien à dire. Ah, bon Dieu, en 50 secondes. Go! Hackers est un merveilleux film qui date de avant l'invention du cinéma. Qui est avec Angelina Jolie quand elle avait à peu près moins 20 ans. Non. Des effets spéciaux qui sont quand même anti-spectaculaires. Non, il était bon! Vite, tu te restes 25 secondes pour me convaincre. Non, c'était bon! On a écouté ça, on est allé au chalet, moi pis Ali, là. Dis pas ça, t'as pas le temps. Non, mais c'est important, là. Pis là, ben, on avait rien à faire, fait que, on est allé au club vidéo, puis là j'ai vu ça, j'ai fait un Hackers pour 5$. Je l'achète. C'est un film neuf en plus, il était même pas usagé là, à 5$. Et puis je l'ai acheté, puis c'est vraiment bon, c'est rempli de bonne volonté et d'amateurisme. Hein. C'était moins pire que de la façon que tu me l'avais présenté en tout cas. Oh shit! Oh, on est échec et mat. Échec et mat. C'est l'apocalypse merde. Apocalypse Now. Apocalypse Now. Puis on a une minute genre pour conclure là, avant que la fin du monde arrive. Ouais. Mais quoi pour conclure? Qu'est-ce que tu fais d'habitude pour conclure? On fait rien, on fait juste paniquer. On finit de parler de Hackers. J'ai un singe dans les mains, je l'ai pas dit. Mais... Depuis le début du podcast, j'ai un singe dans les mains. Mais... Une banane dans l'oreille. Dans le fort, j'ai un singe dans les mains. C'est pas drôle ça. C'est pas drôle, pantin. Non! C'est concept. Fait que là, on va se laisser avant que l'apocalypse arrive. Ouais, parce que... Alors, c'était Narf. Ouais! Et c'était... Oui. C'était mon premier apocalypse. Et on est mort. En tout cas, jusqu'à la semaine prochaine. Je chante. N'oubliez pas d'écouter les pas de casquette. Oui, lundi. Les apocalypses, c'est les... Oh shit, on est mort.